Il y a des jours pas très sympas où tu me manques fort comme ça. Ta petite bouille, tes petits bras qui me serrent fort comme ça. Me manquent tes petites mains pour dîner qui attrapent tout ce qui est à leur portée. Ne lâche rien sans y être forcé, mais pas sans cri ni soupir écorché, écorché. Me manquent tes sourires, des soleils qui m'illuminent même dans mon sommeil, qui la semaine ne sont que des souvenirs. Et les heures traînent, ne font que ralentir. Me manquent tes premiers mots balbutiés, les papas joyeux ou attristés, les cris des animaux de la ferme, les pigeons, les hiboux même, les hiboux même. J'ai perdu tes pieds dans le sable. Tu souris quand je les retrouve, charitable. La mer lance ses vagues vers nous. Tu as peur, tu te blottis de toi, je suis fou. Me manquent tes joues rondes d'amour que j'embrasse avant que finisse le jour. Puis tu cours instable vers les oiseaux qui s'en vont chanter tout là-haut. Laisse-moi te porter encore plus haut, atteindre les soleils qui rendent les cœurs chauds. Dans les pentes rondes des arcs-en-ciel, nous descendrons les cheveux ébouriffés de ciel. Je te ferai sauter encore dans mes bras, jusqu'à ce que tes rires aux éclats me retirent quelques larmes de joie. Tant que l'innocence guide nos pas, aime-moi fort avant de te rendre, avant qu'on nous sépare, qu'elle vienne te prendre. Reviennent les jours pas très sympas où tu me manques fort comme ça. Tes petits bras, ta petite voix, il ne reste plus rien quand tu t'en vas. Me manquent tes doigts qui tournent les pages de ces livres colorés. Oh, mille images, tu les regarde aussi sage qu'une statue qui traverse les âges, traverse les âges. Grandis mon petit, dévore avec appétit, gère seule ta vie, Tes parents c'est fini, tes parents étaient fous, ils étaient toujours à bout. Qu'allaient-ils façonner, quel crime désespéré, tes parents étaient fous, ils étaient toujours au bout. Tu étais une arme, ta tristesse me désarme, tu étais ballotté entre des révoltés qui te volaient tes rêves, se battaient sans trêve, que de moments gâchés, tous ces mots crachés qu'on jette sans mesurer la profondeur de la plaie. Aime mon petit, oublie ce que tu as appris, la vie peut être différente, belle et évidente.